بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui, malheureusement, est un thème de circonstances et d'actualité. Il traite des attentats aveugles et barbares, lâches et traîtres, qui ont frappé nos concitoyens sans distinction de couleur, de race, de religion ou de culture. Louange à Allah qui vous a créé d'une seule âme. Il vous a façonné dans une belle image. Il pourvoit à votre subsistance pourvu que vous soyez reconnaissant. Il vous a créé en peuple et en tribu pour que vous fassiez connaissance. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il vous a créé de terre et vous voilà des humains qui se multiplient. Et je témoigne de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager. Celui qui suit son exemple aura emporté une grande victoire. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Allah le Très-Haut a dit, ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a fait d'une seule âme, et d'elle il a créé son épouse, et des deux il a fait répandre sur terre des hommes nombreux et des femmes. Et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez la rupture des liens du sang, pour sûr, Allah vous observe. Chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la triste situation que nous avons vécue dans notre pays à tous le soir du vendredi dernier. Nous allons parler des attentats terroristes qui ont emporté des victimes innocentes à cause de l'ignorance et de la barbarie d'individus qui se sont érigés en défenseurs d'un état imaginaire. Nous ne comprenons rien à ce drame, comme nous ne trouvons aucune excuse aux terroristes ignorants, barbares et extrémistes. Ces horribles attentats ont tué des innocents. Ils ont fait couler le sang innocent pour terroriser des gens pacifiques et pour déformer l'image de la société musulmane. Ils ont porté atteinte à tout et à tous, de façon générale. Rien ne justifie un attentat destructeur qui vise à baisser le niveau de sécurité dans ce pays qui est le nôtre. Il vise à semer le chaos dans les premières victimes, sans la sécurité, la paix et la stabilité. Sachez que ceux qui sortent dans les rues et les lieux publics où ils s'autoproclament des défenseurs de la religion sont des combustibles inflammables. Ils n'attendent que celui qui va leur mettre l'étincelle de la mort par des bourrages de crâne, des lavages de cerveau, avec des paroles qui ne sont pas la religion et qui en même temps ne sont pas hors de la religion. Et ils nous explosent à la figure parce qu'ils font ce qu'ils appellent le djihad pour celui qui s'est nommé al-Baghdadi et pour ceux qui l'ont intronisé émir, ceux qui le manipulent lui-même, le considérant comme un instrument parmi d'autres qui propagent le mal sur terre. Et nous disons, nous nous en remettons à Allah, le meilleur des défenseurs. Ces agressions injustes sont commises par un groupe de déviationnistes, injustes avec eux-mêmes et injustes avec les autres. Un groupe d'assassins qui agressent injustement les autres. Il n'y a de pouvoir ni de puissance que par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sachez que ces attentats sont une action terroriste inqualifiable. Une action vile, produite par des esprits vils, des malades mentaux sans foi, ceux qui détournent la religion, qui aiment le mal, et qui en sont habités, ceux qui aiment la corruption et qui aiment corrompre. Un homme sage qui se respecte, un homme de foi qui craint Allah et qui espère en lui, un citoyen qui aspire à la paix et qui œuvre pour le bien de tous, ne commet jamais ce genre d'atrocité. Ceux qui ont causé ces horreurs sont des ennemis d'Allah, de l'islam, des musulmans et de l'humanité tout entière. Plus que ça, ce sont des ennemis d'eux-mêmes avant tout, des ennemis de leur famille, de leurs voisins et de leur peuple. Tout musulman qui a un atome de foi dans son cœur ne peut les tolérer ou les accepter. L'islam, qui est la religion d'Allah, qui est la religion qu'Allah a voulu pour nous, est venu avec beaucoup d'enseignements importants qui garantissent aux gens leur sécurité et leur culte. Il préserve les conditions de vie des gens, il préserve leur sang et leur honneur. Chers frères et sœurs, est-ce que c'est ça la religion que nous a transmis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Notre prophète qui nous a toujours appelés à l'amour et à la clémence, à la tolérance, ne nous a-t-il pas enseigné que l'être humain, le fils de Adam, est à l'honneur et aimé chez Allah? Allah, le Tout-Puissant, a dit, nous avons honoré le fils de Adam et nous l'avons porté sur terre et sur la mer. Sachez, chers frères et sœurs, que tout ce qui entraîne les gens au chaos, au meurtre des innocents et à transformer la religion en un outil pour tuer les êtres humains, musulmans et non musulmans, qui vivent en paix et quelles que soient ses raisons, un assassin. Il n'est pas martyr, il n'est pas moujahid, et les portes du paradis ne lui sont pas ouvertes. C'est un déviationniste qui détourne la religion vers ce qui n'a aucun lien avec Allah et son prophète. Il se crée pour lui-même des divinités parmi les humains et ce sont eux qui le préparent au meurtre, non dans les écoles ou les universités, mais dans les prisons, les rues et sur Internet. Il le transforme en un monstre sanguinaire, en une machine sourde et aveugle qui coupe les têtes, qui détruit les églises et les mosquées, qui classe les musulmans en sunnites et chiites, et les sunnites en groupes, en courants et en factions, et tous les groupes en dehors du sien sont illégitimes. Chers frères et sœurs, Allah le Très-Haut a dit, l'agression des autres, Allah, le Très-Haut, a interdit l'agression des autres. Il en a fait un crime et un grand péché. Allah a dit, il n'agressait point. Certes, Allah n'aime pas les agresseurs. L'assassinat d'un être humain est strictement interdit dans la religion musulmane. L'assassinat d'un être humain est strictement interdit dans la religion musulmane. Allah a dit, et ne tuez point injustement l'âme qu'Allah a sacralisée. Cela, il vous l'a recommandé pourvu que vous soyez sages. Serviteurs d'Allah, notre clémente religion nous met en garde contre les interdits et contre les ruses de Satan qui suit l'être humain jusqu'à ce qu'il le fasse tomber dans le péché, soit par les excès et l'extrémisme dans la religion, soit par l'abandon de la religion, et peu importe pour Satan comment il fait dévier un être humain et le fait tomber sous la colère de Dieu. En faire trop. En faire trop ou pas assez dans la religion, dans un cas comme dans un autre, c'est la voie de Satan. Ceux qui ont perpétré les lâches attentats de Paris et qui se sont suicidés en se faisant exploser tombent sous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « celui qui se tue par quelque chose dans la vie ici-bas, il sera torturé avec dans l'au-delà. Communauté des croyants, l'islam est une religion d'amour, de paix et de sécurité. Allah, le Tout-Puissant, a dit, « Ô vous qui avez cru, entrez tous dans la paix et ne suivez pas Satan, il est pour vous un ennemi déclaré. » Et il a encore dit, « Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque l'a fait vivre, c'est comme s'il a fait vivre tous les hommes. » Chers frères et sœurs, le musulman n'est pas un criminel. Et Allah n'est pas un despote avec l'homme. Il ne lui ordonne pas de faire le mal. Il ne lui ordonne pas de détruire les villes et les constructions. Il ne lui ordonne pas de détruire l'héritage culturel de l'humanité. Il ne lui ordonne pas de détruire les monuments historiques. Allah n'est pas responsable de ce que commettent les ignorants comme crime au nom de la religion. Qui leur a permis de tuer des gens innocents, de nationalités différentes, de religions différentes, de cultures différentes, qui vivaient en paix dans ce pays qui est le leur, avec leurs épouses et leurs enfants? Ils ont tué des gens pacifistes, qui ne nourrissent de mal envers personne. Ils vivaient en défendant leurs honneurs, leur dignité et leurs valeurs. Est-ce que c'est Allah qui a demandé qu'on assassine ces innocents? Sûrement pas. Ces criminels, qui n'ont aucune connaissance de la religion, ont été manipulés par des déviationnistes qui les utilisent dans ce qui ne sert ni la religion, ni les croyances temporelles, et encore moins l'humanité entière. Chers frères et sœurs, ceux qui tuent au nom de la religion les renie. Ils sont les compagnons de Satan et ses suppôts. Satan qui a pactisé avec lui-même pour corrompre la terre et les hommes, pour induire les gens en erreur sur la mauvaise voie et les piéger. Ceux-là sont ses soldats et ses aides. Ils exécutent les ordres qu'il leur dicte. Ils n'aiment pas que les gens vivent en paix. Ils n'aiment pas que les gens soient sereins. Et ils n'aiment pas que le pays se développe. Par contre, ils aiment la destruction, les ruines, le sang et la terreur pour que se développe leur cupidité et leurs commerces illicites. Ne sommes-nous pas perçus aujourd'hui par le monde civilisé comme des terroristes? Et chaque musulman n'est-il pas coupable de terrorisme jusqu'à preuve du contraire? Le musulman doit toujours se justifier. Voilà la situation où les ignorants qui étaient des trafiquants de drogue et d'alcool nous ont mis. Ceux qui sont entrés dans les prisons comme voyous et en sont sortis en se prenant pour des imams autoproclamés. L'islam est innocent d'eux, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Nous nous en remettons à Allah des actions des criminels et des agissements des corrompus destructeurs. Nous nous en remettons à Allah, il est le meilleur des défenseurs et nous sommes à Allah et vers lui nous serons de retour. والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له تعالى على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين الخلق، الدين المعاملة، الدين الوئام. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى قال لتعارفوا، لا لتبغضوا، لا لتقاتلوا، لا لتجرموا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى. قال: خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. لم يقل شعب هذا ولا شعب هذا، اجمع الشعوب كلها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأمر بالعدل وأمر بالوئام. لولي الوئام له رجلة الأمة. وهذا هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ربا جميلا. اللهم ردنا إلى ديننا ربا جميلا، ونصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين. يا رب اخلف هذه الأمة برجال كرماء عارفين بدينهم وأخلاقهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل من هذه الأمة أناس يعرفون الله سبحانه وتعالى من شبابنا إن شاء الله، وسيكون إن شاء الله هذا بفضل الله سيجدون شبابا يعرفون دين ما لهم وما عليهم من حقوق والواجبات، ينحرفون عن الرذائل ويبحثون عن الفضائل إن شاء الله. اللهم يا رب استرنا بسرك الجميل. اللهم اهدنا في منهجك، وعافنا في منهجك، وتولنا في من توليك، وباركنا فيما أعطيت، وقنا وصرف عنا شر ما قضيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.